ça, pourquoi, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi on est là? Pourquoi toutes ces lois? Pourquoi, pourquoi? Pourquoi ici? Pourquoi pas? Pourquoi ici? Pourquoi? Pourquoi, qu'est-ce qu'on est là? Pourquoi, qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi tout ça? Pourquoi tout ça? Pourquoi? Pourquoi tout ça? Mais ça va pas, mais ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Thank you.